consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir à tous et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on poursuit notre rétrospective des parutions de l'année et on va commencer avec, je vous parlais d'Hyperactif la semaine dernière en parlant de Samurai of Prague. On a un autre Hyperactif, c'est-à-dire Anthony Kalugin. On va vous présenter un extrait de l'album de Carfagan, Passage Through the Forest of Mysterious, et un extrait de Sunchild, Exotic Creatures and a Stolen Dream. Et puis de Norvège, on aura Tursmok, qui a effectué cette année un retour au rock progressif après avoir produit une série de disques pour enfants. C'est l'album Esteoven. Et puis Marc, je pense qu'après ça, on se dirige du côté de l'Italie. Oui, absolument, avec un album qui a été un coup de cœur pour nous deux cette année, l'album de la formation Homunculus Res, Echo l'Impero dei Dopi Sensi, qui est leur cinquième album et probablement leur meilleur jusqu'à maintenant. Et ce sera suivi de l'excellente formation grecque instrumentale Residuos Mentales, qui nous a présenté récemment leur second album Temporary State of Bliss. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute l'émission avec la formation ukrainienne Carfagan. We'll be right back. long gone. In doubt and silence, even though we tried to be strong, the future and the past, there's nothing you can take for granted. So Oh, Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. 89.1. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. CKRL. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Cultive tes goûts. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a tree top, down again. Put my bag down, taking my shoes. Romantique, historique, dramatique, fantastique, science-fiction, musique, comédique. J'aime le cinéma. Anatomie d'une chute. André Rieu, White Christmas. Caravage, Les Feuilles mortes. Franqueur, On achève bien les rockeurs. Le garçon et le héron. Godzilla Minus One. Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau. Monstre, L'ombra di Caravaggio. Et Wonka. Présentement à l'affiche. Clap.ca. Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnels? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 418-914-3554. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. La musique fait voyager, fait danser, rassemble et fait du bien. Cette année, offrez un cadeau riche en émotions. Offrez la musique à son meilleur avec la carte cadeau du Palais Montcalm. Découvrez la nouvelle programmation et les détails au palaismontcalm.ca. Télé-Québec présente Comment survivre au temps des fêtes avec Joey. Les fêtes, c'est pas un cadeau. Il y a toujours des grands-parents qui veulent te faire danser. Heureusement que tu as la veille étrade. Ça leur rappelle de bons moments. La veille étrade, samedi 30 décembre, 20h. Moi, mes parents, ils préfèrent Isabelle Boulay. Ça se danse du Isabelle Boulay? Isabelle Boulay, le chant des possibles, vendredi 29 décembre, 20h. En tout cas, moi, je regarde Fouki. Bring me back to the real life, yeah. Fouki tout garni, tout le temps sur vidéo.téléquébec.tv. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. On poursuit notre survol des parutions de 2023 et on entame la nouvelle demi-heure avec deux formations américaines. Dans un premier temps, on aura Mondo Drag qui a présenté son cinquième album cette année, un album qui a pour titre Through the Hourglass. Et puis on aura de Georgia Atlanta, The Great White Nothing. Ce groupe présentait son troisième disque, Hymns for Hungry Spirits, volume 2. Et puis Marc, par la suite, on se dirige du côté de la France. Oui, absolument, avec le plus récent album de Lalu, qui est l'œuvre du compositeur et claviériste Vivien Lalu, qui nous présentait cette année son quatrième album, The Fish Who Wanted to be King. Et ce sera suivi de la formation du Royaume-Uni Galahad, qui présentait cet automne leur 16e album, qui a pour titre The Long Goodbye. Mais comme vous le disait Michel, on débute tout d'abord avec l'excellente formation américaine Mondo Drag. Thank you.

ourselves, but I erase you from every picture I've not burned. If I could keep the lessons learned and got them well, oh well. Oh, Hi there, this is Stu from Galahad, and I'd just like to wish the Terra Incognita radio show a very happy 20th anniversary. Yes, 20 years. Well done, guys. We'll be right back. treading what you say. Darkened days are racing this way. Be careful what you do and who you play. Gotta watch where I go. Darker days are coming our way. Be careful where you tread and what you say. Darker days are racing this way. Don't become someone else's prey. Darker days are coming our way. Be careful where you tread and what you say. Darker days are racing this way. Careful who you trust or you could pay. see a little light. It's just a pale pink spot, but it's burning so bright. As I move forward, the mist is slowly clearing, and the fear inside of me is slowly disappearing. Darker days are burning away. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Télé-Québec présente Comment survivre au temps des fêtes avec Joey. Les fêtes, c'est pas un cadeau. Il y a toujours des grands-parents qui veulent te faire danser. Heureusement que tu as la veille étrade. Ça leur rappelle de bons moments. La veille étrade, samedi 30 décembre, 20h. Moi, mes parents, ils préfèrent Isabelle Boulay. Ça se danse du Isabelle Boulay? Isabelle Boulay, le chant des possibles, vendredi 29 décembre, 20h. En tout cas, moi, je regarde Fouki. Bring me back to the real life, yeah. Fouki tout garni, tout le temps sur vidéo.télé-québec.tv. Between the walls that you had made, between the thoughts that you've created in your mind. Espace DCL vous propose des spectacles inoubliables à l'Anglicane de Lévis. Musique, humour, théâtre, danse et plus encore. Profitez d'une programmation riche et variée dans une salle unique et intimiste. Cette saison, on se retrouve à l'Anglicane de Lévis. Détails et billets sur espacedcl.ca. Besoin de conseils en santé naturelle? Alimentex a la solution pour vous. Nos conseillers compétents sont disponibles avec ou sans rendez-vous pour répondre à vos questions. Nous offrons une gamme complète de produits de santé naturelle, des tisanes aux huiles essentielles. Alimentex, votre bien-être, notre priorité. Cet hiver, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez Cameron Carpenter, la Ligue d'impro musicale de Québec avec Normand Brathwaite et Elisabeth Blouin-Brathwaite, Pierre Flynn, Lee Rocker des Stray Cats, Marcin et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant. Toute la programmation au palaismontcalm.ca. CKRL 89.1 vous comble de plaisir avec une offre exceptionnelle. Obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. On poursuit notre rétrospective des albums de 2023 avec un doublé du supergroupe norvégien The Chronicles of Father Robin. Et on aura un extrait du premier et second album de cette trilogie qui a pour titre The Songs and Tales of Eroa Book 1 et Book 2. Le troisième album paraîtra le 2 février 2024. Et on aura également un extrait du nouvel album de la formation Chorcha, ou Chorcho pour les intimes, qui ont fait paraître cette année leur excellent nouvel album qui a pour nom Saliguette. Mais tout d'abord, on débute avec The Chronicles of Father Robin. Thank you. Today.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Télé-Québec présente Comment survivre au temps des fêtes avec Joey. Les fêtes, c'est pas un cadeau. Il y a toujours des grands-parents qui veulent te faire danser. Heureusement qu'il y a la veille étrade. Ça leur rappelle de bons moments. La veille étrade, samedi 30 décembre, 20h. Moi, mes parents, ils préfèrent Isabelle Boulay. Ça se danse du Isabelle Boulay? Isabelle Boulay, le chant des possibles, vendredi 29 décembre, 20h. En tout cas, moi, je regarde Fouki. Bring me back to the real life, yeah. Fouki tout garni, tout le temps sur vidéo.téléquébec.tv. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dernière demi-heure en votre compagnie, c'est l'émission spéciale rétrospective Terra Incognita 2023, un résumé des parutions qui ont marqué l'année. Mais écoutez, il y en a beaucoup qui ont passé à côté aussi, on ne peut pas en 4 heures tout résumer. Et parlant de rétrospective de l'année, ben Marc et moi, on vous souhaite une excellente année 2024 avec une tonne de parutions à écouter. Et on poursuit notre résumé avec une formation italienne qui a pour nom Karma Moy. Cette année, ils ont présenté un 6e album studio qui a pour titre Strings from the Edge of Sound, un disque qu'on peut qualifier d'hybride parce que le groupe y reprend certaines pièces d'albums précédents et en propose de nouvelles. Et puis, ben, il y a aussi, évidemment, comme le titre l'indique, Strings from the Edge of Sound. Il y a un orchestre aussi pour accompagner le groupe. On va écouter, nous, un extrait de l'album Silence Between Sounds. C'est une pièce qui est revisitée de cet album paru en 2016. La pièce a pour titre Nashira. Et puis, de Norvège, on aura Akrost avec l'album The Approbation, un disque qui n'est pas passé inaperçu, qui a fait son petit effet, et ça va être la pièce de Pale Moon. Et sans plus tarder, on y va avec Karma Moy, la pièce Nashir. to my man, suck my blood and grind your tooth gate all day long. Come to my man, suck my blood and grind your tooth gate all day long. Come to my man, suck my blood and grind your tooth gate all day long. Skip the fair, skip the phone, shock that you're a gamble. Skip the fair, skip the phone, shock that you're a Nous voici déjà à la dernière pièce de ces deux émissions spéciales rétrospectives des albums de rock progressif de 2023. On aurait pu en faire encore deux autres comme celle-ci, étant donné la quantité d'albums qui sont parus cette année. On a décidé de vous laisser ce soir avec la formation québécoise Vecteur K, qui faisait paraître leur troisième album Stratigraphie récemment. Alors on vous laisse avec la pièce Galveston. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Restez les nôtres puisque l'émission L'Autoroute suivra juste après cette pièce. Au revoir et à bientôt. Trouve la façon de m'abattre. Tout. temps viendra prendre mon pouls, minutes et mes absences. On me racontera ce qui se passe dehors pour me tenir éveillé. En attendant ce départ, que d'autres rentreront si j'ai bien fait les choses. En attendant ce départ, que d'autres rentreront si j'ai bien fait les choses. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Chez Alimentex, chaque mois est synonyme de bonnes affaires. Notre équipe travaille avec nos fournisseurs pour vous offrir des rabais incroyables. Consultez notre circulaire et suivez-nous sur Facebook pour être au courant des dernières offres spéciales. Alimentex, votre épicerie de quartier à Québec. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte. Nez rouge, 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée! Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Depuis 40 ans, tous les jours, trois fois par jour, Télé-Québec présente aux fêtes Ciné-Cadeaux. Pour se fabriquer des souvenirs. Avec des classiques pour nos parents, comme Astérix et Tintin. Et des nouveautés pour nos enfants, comme Coco Ferme. En plus, cette année, il y a Peanuts, le film. Oh, ça, on va l'écouter ensemble. On vous souhaite de joyeuses fêtes avec Ciné-Cadeaux. Tous les jours à 9h, 15h30 et 18h30. À Télé-Québec. Ah, et téléchargez l'appli, c'est gratuit. C'est pratique avec les enfants. Avec les parents aussi. Romantique, historique, dramatique, fantastique, science-fic, musique, comédique. J'aime le cinéma. Anatomie d'une chute. André Rieu, White Christmas. Caravage, Les Feuilles mortes. Franqueur, On achève bien les rockeurs. Le garçon et le héron. Godzilla Minus One. Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau. Monstre, L'ombra di Caravaggio. Et Wonka. Présentement à l'affiche. Clap.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.